Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Le ministère burundais ayant l'agriculture dans ses attributions revoit à la baisse le prix du kilogramme de grains de maïs et pour l'agriculteur et pour le commerçant. Dans cette édition, on revient sur le phénomène de mendicité dans la ville de Bujumbura, un phénomène qui ne fait que durer. Certains citadins déplorent l'inaction de certains agents de l'ordre. Dans cette édition également, des politiques réagissent sur l'existence ou non d'une véritable compétition pour les législatives et les communales prochaines. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Anselme Irambona. Bienvenue encore une fois. Le phénomène de mendicité change de visage en mairie de Bujumbura, comme le témoignent certains citadins. Des enfants âgés de 12 ans et plus volent les gens en pleine journée. Ceux qui se sont entretenus ce mardi avec la radio Isanganiro regrettent que ces adolescents le fassent sous le regard de certains agents de sécurité qui ne réagissent pas. Ces citadins demandent l'intervention des autorités pour que ces enfants soient encadrer une information que nous devons à Sheila Irambona. Comme le témoignent ces citadins, ces adolescents qui ont entre 12 ans et plus circulent pendant la journée en mairie de Bujumbura en groupe, prétextant qu'ils sont en train de mendier alors qu'ils ont d'autres visées. Ces personnes regrettent que les vols que ces adolescents commettent se font au vu et au su des agents de sécurité. Et de préciser que les téléphones des dames ainsi que les rétroviseurs des voitures sont parmi les objets les plus convoités par ces adolescents et d'appeler les responsables à prendre cette question en main. Il propose de rassembler encore une fois ces adolescents dans des centres d'encadrement. Malgré ces plaintes, un parmi ces adolescents affirme qu'il mendie pour trouver de quoi manger. Ces citadins regrettent que ce phénomène de mendicité ait pris de l'ampleur avec toutes les conséquences qui vont avec et se sont demandé si les décideurs ont jeté l'éponge face à cette question. Sheila Irambona, page politique de cette édition. La coalition Burundi Bwabos estime qu'il n'existe pas une véritable compétition des partis politiques visibles dans les prochaines élections. Kefani Wizi, porte-parole de cette coalition, donne l'exemple du fait que leur alliance était prête à compétir à tous les niveaux, mais qu'elle s'est vue refuser la participation avec certains membres de leur liste. Cependant, la coalition Burundi Bwabos s'est dit qu'elle participera aux élections législatives prochaines concernant la sécurité des membres des partis politiques et demande au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures pour éviter des harcèlements envers les membres des partis comme cela s'est observé dans les provinces de Changuzo et Ruyigi, dit-il. On l'écoute. C'est vrai que quand on regarde de loin, on risque de constater que les compétiteurs sont nombreux, notamment à ce qui est des législatives, mais très réduits pour les communales. Cependant, on a constaté que le pouvoir en place a mis tout un paquet pour empêcher une compétition réelle. En effet, la coalition Burundi-Bwabos qui se dressait pour entrer en compétition est très consistante avec le parti au pouvoir, a été malmené parce que au niveau des législatives, on a amputé une partie importante de ces candidats pour les législatives, mais aussi pour les communales, on a empêché de se faire élire dans toutes les communes. Dans ces conditions-là, on trouve que la quasi-totalité des compétiteurs qui restent sont presque les partis qui sont de la mouvance partout au pouvoir, donc ils n'ont pas entré en compétition réelle, mais qui vont accompagner le partout au pouvoir. Les grands compétiteurs, notamment la coalition Burundi-Bwabos, a été empêchée de compétir dans toute liberté. Et d'autres même qui essaient d'être en compétition avec le parti au pouvoir, et leurs membres subissent des pressions ici et là. Cependant, nous restons toujours sereins et nous allons continuer à entrer dans cette compétition électorale de temps législative. Et nous invitons aussi la population d'aller voter et de suivre de près pour que les résultats des urnes soient les seuls proclamés. Et qu'en est-il pour la sécurité des membres des différents partis politiques après la publication des listes? Bon, on assiste à un phénomène un peu étonnant où dans certaines communes, notamment à Changuzo, à Makamba et à Karusi, les militants des partis politiques se sont fait hérir sur les listes des candidats et sur les listes des partis politiques et de l'opposition subissent des pressions. C'est le cas pour nous à Karusi, j'ai entendu ça, et pour Iprona, à Changuzo. Et pour cet effet, nous avons saisi hier le ministre de l'Intérieur à travers la réunion qu'il a organisée pour que de tels actes d'intimidation à l'endroit de nos militants cessent pour que nos listes et nos candidats soient protégés. Kefa Niwizi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, qui répondait aux questions de Lydie Gahimbare. Du côté du parti Conseil des Patriotes CDP, il plaide pour la sécurité des membres des partis politiques qui ont migré vers d'autres partis pendant cette période de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante a sorti les listes des candidats aux élections. Nseni Uhuru, président de cette formation politique, estime que les prochaines législatives et communales seront en quelque sorte compétitives. Suivez. Quant à la sécurité des candidats figurant sur les listes électorales des différents partis politiques, après l'affichage de ces listes, et nous avions une réunion avec le ministre de l'Intérieur, les différents gouverneurs de province et nous, les responsables des partis politiques. C'était ce lundi 27 janvier 2025. Ils nous ont promis qu'ils seront protégés. Autre chose que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est que même si quelqu'un devrait être intimidé, être persécuté parce qu'il a quitté tel autre parti pour aller se faire lire dans un autre parti politique, ces intimidations n'affecteront pas les listes. Est-ce qu'il y aura une compétition électorale? D'une part, oui, et d'autre part, non. Et pourquoi oui? C'est parce que la liste qui a été fournie par la CENI présente plusieurs compétiteurs. Dans toutes les provinces, il y a les partis politiques et les indépendants qui sont présents. Et là, il y a peu de compétiteurs, c'est 14. Je pense que ça doit être Gitega. À Bujumbura, nous avons 29, environ 30. Et là, vous voyez que théoriquement, la compétition est là. Mais pratiquement, je ne sais pas. Pourquoi je doute? C'est parce que cette paupérisation de la population, c'est un problème. Un problème sérieux. La situation économique en cours, le manque de carburant, le manque de tout. Est-ce que les partis politiques autres que le parti au pouvoir trouveront du carburant pour parcourir le pays et présenter le programme politique aux populations burundaises? Ce n'est pas évident. Troisièmement, le parti au pouvoir se trouve seul dans une commune où il est autorisé à se faire élire. Est-ce que ça, c'est une compétition? Une compétition exige la présence d'au moins deux compétiteurs. Et dans cette commune, est-ce qu'il y aura élection d'abord? Il y aura une forme de dire oui, oui. Donc je pense que même l'élection dans cette commune n'est pas nécessaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Poursuivons avec cette édition. L'Union européenne compte appuyer le Burundi à hauteur de 23 millions d'euros pour la redynamisation du système éducatif. Ce projet lancé ce mardi sera exécuté en partenariat avec l'Alliance française de développement et l'UNICEF à travers le programme Twiguetwese pour une période de 3 ans. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Elisabeth Pietrebonne, indique que l'objectif est de garantir l'accès à l'éducation fondamentale à tous et améliorer la qualité des enseignements tout en intégrant le numérique. Suivez. Les programmes Twiguetwese, d'un montant total de 23,7 millions d'euros, est le fruit d'un partenariat solide. 20 millions d'euros sont apportés par l'Union européenne, 2,5 millions d'euros sont apportés par l'UNICEF et 1,2 millions d'euros par l'Agence française au développement. C'est le tout premier programme de cette ampleur pour l'Union européenne dans le domaine de l'éducation au Burundi. Et il vise un objectif clair: offrir à chaque enfant des provinces de Bujumbura-Mairi, Gitega, Muinga et Kirundo une éducation de qualité et accessible à tous. Bien que l'éducation constitue une priorité pour le gouvernement de Burundi et que la scolarisation des enfants ait enregistré des rapides progrès ces dernières années, le système éducatif fait face à des obstacles de taille au Burundi comme partout dans le monde. un manque d'enseignants formés en nombre suffisant, des infrastructures scolaires et sanitaires insuffisantes, des disparités dans l'accès équitable à l'éducation, des taux d'abandon préoccupants, en particulier chez les filles et les enfants rapatriés, et une prise en compte encore insuffisante des enfants à besoins spécifiques. Et c'est précisément pour répondre à ces défis que ce programme a été conçu. Il s'agit d'une réponse concrète et ambitieuse à un besoin urgent. L'Union européenne, avec l'agence l'AFD et l'UNICEF, ont donc répondu à l'appel du gouvernement pour appuyer ses efforts dans la redynamisation du système éducatif. Poursuivons avec cette édition. Je vous l'annonce en titre, en page agriculture. Le ministère burundais ayant l'agriculture dans ses attributions vient de revoir à la baisse le prix du kilogramme de graines de maïs qui sont dans les stocks de la NAGESA. Selon le communiqué du ministre Prosper Dodiko datant du 26 janvier de cette année, le prix du kilo de graines de maïs a été fixé à 2000 francs burundais aux agriculteurs et aux commerçants confondus. C'est au moment où auparavant ce prix du kilo de graines de maïs était fixé à 2100 francs burundais pour les agriculteurs et 2300 francs burundais pour les commerçants. Et les commerçants exerçant le commerce à la frontière burundo-rwandaise de Kanyaruho disent que leurs activités commerciales ont été fortement paralysées par la fermeture de cette frontière depuis janvier de l'année passée pour cause de manque de clients sortant et entrant à travers cette frontière. Ils demandent aux autorités de ces deux pays de se concerter en vue de rouvrir la frontière pour la bonne marche de leurs activités commerciales. Le point avec Patrick Senghiumva. Les commerçants, surtout ceux exerçant le petit commerce à la frontière rwando-burundaise et Kanyaruho, disent que leurs activités commerciales sont au point mort depuis janvier l'an 2024, quand cette frontière a été fermée. Ces commerçants font savoir qu'avant la fermeture de cette frontière, les Rwandais venaient au Burundi pour acheter leurs produits et que même ces commerçants pouvaient se rendre au Rwanda s'approvisionner en différentes marchandises. Ces commerçants indiquent qu'aujourd'hui, ils éprouvent même des difficultés à faire vivre leur famille à cause du manque de clients en provenance du Rwanda pays voisins. Les commerçants exerçant les activités commerciales à la frontière burundo-rwandaise Kanyaruho, située en zone Maramirundi de la commune Busiga en province Ngozi, demandent le rétablissement des relations entre les deux pays pour que leurs activités commerciales puissent reprendre l'allure d'avant. Rappelons que la frontière burundo-rwandaise Kanyaruho a été fermée le mois de janvier l'année passée suite à la détérioration des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda. Depuis la zone Maramirundi en commune Busiga de la province Ngozi, Patrick Nsengi pour la radio Sanganiro. Parlons justice transitionnelle. À présent, les Burundais sont appelés à revaloriser, rendre dynamique la culture du pays pour faire face aux défis présents et à venir. C'est le contenu des résultats de recherche sur la période coloniale allemande et la réforme administrative de 1925 au Burundi. Une étude commanditée par le Sénat burundais. Fabien Sengimana, qui a présenté le rapport final ce mardi, a déploré l'ethnicisation de la société burundaise, la haine intercommunautaire et la destruction des fondements culturels qui sont des conséquences de la colonisation au Burundi. Et plus d'un million 445 mille personnes sont expulsées du sol américain. À part le gouvernement actuel de Donald Trump, ces étrangers sont accusés de vivre clandestinement sur le sol américain. Selon ce gouvernement, parmi les pays qui comptent beaucoup plus de clandestins aux États-Unis d'Amérique, il y a le Honduras qui compte 261 000 et 651 personnes. Parmi les expulsés figurent également des Burundais qui sont au nombre de 462. Ce projet d'expulsion des irréguliers sur le sol américain est parmi les projets de société de Donald Trump qui ont fait objet de campagne électorale pour les présidentielles du 5 novembre de l'année dernière. Juste après une courte pause, vous suivez la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi est centrée sur une maladie psychiatrique, les hallucinations qui sont des perceptions sensorielles se produisant sans stimuli externes réels. Le psychologue clinicien Garungo Emmanuel indique que les causes sont variées, notamment l'anxiété, l'intoxication, une maladie chronique liée à une insuffisance rénale. Les plus touchées par les hallucinations sont les personnes adultes et celles en âge d'adolescence. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mouche. Une hallucination est une maladie psychiatrique qui implique une perception sensorielle sans présence d'un stimulus réel ou détectable. Elle peut concerner la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et même le goût. Mais les hallucinations plus fréquentes sont visuelles ou sonores. Explication donnée par le psychologue clinicien Emmanuel Garungu, tout en précisant que les causes sont nombreuses et variées, notamment la consommation de psychostimulants, de certains médicaments ou encore une maladie infectieuse comme le paludisme. La syphilis. Une illusion, c'est une distorsion de la réalité. Mais une hallucination, en revanche, est une perception erronée de la réalité. C'est une interprétation erronée du cerveau par rapport à ce qui n'est pas visiblement, ce qui n'est pas réel. Les hallucinations se produisent dans le cas des maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Ça peut se produire aussi dans le cas des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Et les hallucinations aussi peuvent résulter d'un stress intense, du manque de sommeil. Ça peut se produire aussi à la suite d'une expérience traumatique comme les catastrophes naturelles, les situations de guerre. Il indique que d'autres symptômes comme une crise d'épilepsie ou une dépression chronique peuvent s'ajouter aux hallucinations. Si par exemple un enfant qui est maltraité en famille ou une autre personne adulte qui subit des maltraitances dans sa famille, cette personne peut avoir ce qu'on appelle une mémoire traumatique et dans ce cas peut développer la schizophrénie et la schizophrénie va se manifester par un des symptômes qu'on appelle les hallucinations. À part les hallucinations, d'autres symptômes, c'est que la personne peut se mettre en danger, peut escalader des murs, traverser la route sans toutefois regarder s'il y a des voitures. Dans ce cas, il peut encourir un accident ou même en subir la mort. Les personnes âgées et celles en âge d'adolescence sont les plus concernées par les hallucinations. Les catégories de personnes les plus touchées par cette maladie, ce sont les personnes âgées. Personnes âgées, parce que le cerveau ne fonctionne pas normalement comme avant. Ça montre qu'au niveau du cerveau, au niveau de l'équilibre chimique du cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les personnes âgées peuvent avoir ce qu'on appelle la démence. Et dans ce cas, ils peuvent commencer à développer des hallucinations. Aussi, les adolescents, vous savez que la période d'adolescence, c'est une période où ils se perdent dans le fonctionnement physiologique de l'enfant, de l'adolescent, des changements physiologiques. Dans ce cas, l'adolescent commence à développer beaucoup plus de pensées, ce qui va le fatiguer. Et dans le cas de la fatigue, l'adolescent peut développer ses hallucinations. Ce psychologue clinicien souligne qu'il est urgent de consulter un médecin après toute hallucination pour traiter la cause profonde et déterminer si une hallucination indique un problème de santé grave. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang.